19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Cette semaine est sans aucun doute celle de l'homme fossile. Guillaume Herner ne s'y est d'ailleurs pas trompé avec mercredi son invité des matins évoquant les premiers fossiles de l'homme moderne. Une fois n'est pas coutume, le fait marquant est sans conteste la création jeudi d'une nouvelle chaire de préhistoire au Collège de France, une chaire de paléoanthropologie. Avant-hier, donc, le nouveau professeur, Jean-Jacques Hublin, y faisait sa leçon inaugurale consacrée à Homo sapiens, espèce par essence invasive. Dans cet esprit, nous poursuivons cette quête ce soir avec Ludovic Slimak autour d'un autre fossile majeur, l'homme de Néandertal. Depuis plus de 30 ans, mon invité est un chasseur de néandertaliens qu'il traque inlassablement au fond des grottes. Ce qu'il nous propose ce soir, c'est de suivre cette piste sur un immense territoire de la France aux steppes gelées, mais aussi dans notre propre imaginaire, nos pensées et peut-être celles de communautés fossiles vieilles de 42 millénaires. Ludovic Slimak, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Directeur de recherche au CNRS, au sein du laboratoire Trace, vous êtes en ligne avec nous de vos cimes des Pyrénées. Vous venez de faire paraître chez Odile Jacob, Néandertal nu, nu ou mise à nu, la mise à nu de son intelligence, Ludovic Slimak. Alors, la confrontation et l'interrogation de ce que pouvait être ce que la créature. Et alors, est-ce qu'on se confronte vraiment à son intelligence? En tout cas, en première instance, on va se confronter à la nôtre et à nos regards et à nos constructions. Et ce qu'on a aujourd'hui de Néandertal, ces reconstitutions, l'image que chacun peut avoir, mais y compris que nous autres chercheurs pouvons avoir, est une construction. Et c'est cette construction-là qui est mise à nu dans cet ouvrage, Néandertal nu, et qui essaie de se confronter assez crûment, c'est toujours une expérience choquante, à un certain regard que nous portons sur le monde et savoir ce qu'il fut, et en miroir de ça, ce que nous sommes. Néandertal, nous en faisons souvent un premier européen, il n'en est absolument rien, son territoire s'avère immense. Il a effectivement colonisé de très grands espaces pendant longtemps, on a considéré que c'était une population européenne, on sait aujourd'hui qu'elle a investi au moins les espaces de l'Eurasie jusqu'à la Sibérie, jusqu'aux montagnes de l'Altaï, et se pose des questions sur les limites réelles de ce territoire, va-t-il plus à l'est ou va-t-il jusqu'au nord, et c'est l'interrogation. En fait, l'essentiel des champs de recherche sur cette humanité nous ouvre sur des pans de connaissances qui nous confrontent à l'inconnu. Quand on travaille sur Néandertal, on est dans le doute et l'interrogation permanente. En tout cas, votre première aventure, Ludovic Slimak, se déroule dans les grands espaces de l'Oural, mais débute tout d'abord, bien humblement, dans un tiroir d'un institut de l'Académie des sciences de Russie, c'est bien cela? Oui, en 2006 et 2007, j'avais été invité à Syktyvkar, capitale de la République Komi, petite république du nord, de l'angle nord-ouest, nord-est de l'Europe. Et en travaillant sur les collections de mon collègue Pavlov, ouvrant un tiroir, je découvre d'anciennes collections de chasseurs de mammouths. Et regardant les silex, je m'attendais à trouver de ce qu'on appelle le paléolithique supérieur, les industries de silex d'ancêtres, et je vois des artisanats tout à fait similaires à ceux que je connaissais très bien en Europe occidentale et réalisés par l'homme de Néandertal, les industries de tradition moustérienne. Et la grande interrogation face à l'ouverture de tiroir, c'est que ce site était daté, et très bien daté, parce que pris pendant de son existence dans les glaces du permafrost, des sols gelés du nord de l'Europe, que la préservation était tout à fait excellente. Donc les dates étaient extrêmement bonnes. Tom Higham, qui est le grand dateur au carbone 14, un des meilleurs dateurs au monde de l'université d'Oxford, rapidement m'a dit, mais tu sais, Ludovic, ce gisement de Bizovaya est certainement un des sites les mieux datés au monde. Et il n'y avait aucun doute sur sa chronologie. Et face à ces textes, il n'y avait aussi aucun doute sur leur attribution, non pas à l'homme de Néandertal, mais à des traditions que l'on ne connaît que chez Néandertal sur le continent européen. Alors à 28 000 ans, on a une équation qui est là. Est-ce qu'on a une persistance des derniers Néandertaliens sur le cercle polaire? On est directement sur le cercle polaire, dans une boucle du fleuve Petchora, avec des accumulations de mammouths. Est-ce que c'est des Néandertaliens qui auraient trouvé un refuge polaire? Ou est-ce qu'il s'agit d'Homo sapiens? Mais alors s'il s'agit d'Homo sapiens, c'est tout aussi fascinant, puisqu'ils auraient été dans ces régions légataires de traditions artisanales utilisées précédemment par les populations néandertaliennes. Alors, pourquoi conquérir cette aire glacée de la République de Komi? Pourquoi Néandertal est-il monté jusqu'au cercle polaire, même au-delà du cercle polaire? Alors ça, c'est une très bonne interrogation. Et d'ailleurs, depuis quand est-ce qu'il y a des populations au-delà du cercle polaire? En fait, aujourd'hui, en tout et pour tout sur Terre, sur des sites qui ont plus de 20 000 ans, on connaît trois sites antérieurs à 20 000 ans et au-delà du cercle polaire sur Terre, dont ce fameux gisement de Bizovaya. Mais quand on fait l'enquête et on pousse l'enquête un petit peu plus loin, on s'aperçoit que d'autres éléments nous permettent d'affirmer la présence d'une humanité, que ce soit Néandertal ou Homo sapiens, dès le 48e millénaire. C'est très très très vieux à cet âge-là. 48 000 ans en Europe, on ne connaît à l'heure d'aujourd'hui que Néandertaliens. Et à 600 km au nord du cercle polaire, la petite péninsule de Taïmyr, on est dans l'ouest, le grand nord-ouest sibérien, a livré en 2016, enfin ça a été publié en 2016, une carcasse de mammouth. Et cette carcasse de mammouth, à l'étude, on a pu réaliser qu'elle était couverte de traces de découpe et qu'en particulier, l'animal avait été chassé et la langue a été extraite. C'est des traditions assez régulières de la récupération de la langue, car elle est très très riche. Protéines. Et c'est cette question des protéines qui est une question fondamentale dans la question des peuplements nordiques. Et c'est ce que j'explique dans ce livre-là. On a certainement sous-estimé nos propres capacités biologiques à s'adapter et à résister au froid. Et c'est vrai que quand on imagine des peuplements polaires, on va imaginer des techniques d'adaptation, des structures sociales extrêmement pour pouvoir se confronter à ces environnements. En plus, on est en pleine période glaciaire. Hein. Et en fait, quand on étudie les populations polaires actuelles, subactuelles, quand on va voir les Inuits, on s'aperçoit qu'il y a des adaptations déjà biologiques. C'est-à-dire les gamins, les Inuits, dans un igloo, à 0 degré, dans l'igloo, il fait 0 degré. Ils sont tout nus. Et c'est vrai que quand j'ai travaillé dans les zones arctiques et subarctiques, après 2-3 semaines à moins 25 degrés, quand je rentrais dans mon appartement, j'explique ça dans le livre, dans mon petit appartement, moi, normalement, je ne suis pas du tout, j'ai dirigé des missions en Afrique, dans la Corne de l'Afrique, et mon métabolisme ne transpire pas. Et je rentrais chez moi, après une journée de balade par moins 25, il faisait 18 ou 20 degrés dans l'appartement, et je me mettais à transpirer jusqu'au bout des doigts. En fait, mon corps s'était calibré, littéralement calibré, à moins 25, et moins 25 pouvait m'être tout à fait agréable. Et donc, la grande question de ces peuplements polaires, c'est jamais la question des températures, et c'est toujours la question des protéines. Et dans ces espaces-là, justement, c'est ce qu'on appelle les steppes mammouths, et les protéines étaient extrêmement abondantes. En tout cas, pour tenir, cela nécessite par essence une véritable technologie, une entraide même, voire une organisation sociale. Oui, et effectivement, on sait que d'une manière générale, les sociétés humaines, qu'elles soient homo sapiens ou néandertales ou d'autres humanités, comme l'homme de Denisova, maîtrisent des artisanats extrêmement sophistiqués, ont des relations, des structures sociales complexes. On sait qu'ils ont des relations intergroupes, on le sait par la génétique, effectivement, donc que des hommes allaient pouvoir trouver leur femme dans un groupe voisin. Et donc ces échanges-là, les structures de la parenté allaient permettre de créer les alliances et la survie du groupe par les échanges qu'on va avoir avec les populations voisines. Ces éléments-là, ces organisations sociales, ces structures sociales, ces artisanats extrêmement sophistiqués sont attestés et établis depuis plus de 100 ou 200 millénaires, au moins, au bas mot. Donc, ce qui veut dire que, effectivement, le moment où on est dans ces peuplements polaires, les sociétés sont déjà très sophistiquées. Pour autant, elles ne sont pas du tout organisées comme nous nous organiserions, nous, ou comme les Inuits s'organisaient il y a encore quelques décennies. Votre site boréal se dénomme Bisovaya, un site de chasseurs de mammouths, c'est bien ça ? De chasseurs de mammouths, mais on a quelques autres restes du cheval, du renne, et en analysant en fait les grandes faunes qu'on trouvait dans les espaces boréaux, depuis le gisement de Bisovaya jusqu'au gisement de Ghana, qui est presque 3000 km plus à l'est, on est presque aux portes de l'Amérique, on s'aperçoit que ces espaces-là, dans les moments les plus froids, de manière assez étonnante, ont été... ont supporté des grands mammifères en très grande quantité. Il y avait certainement de grands troupeaux de chevaux, de grands troupeaux de rennes et ces fameux mammouths. Donc ces espaces-là, en fait, ont dû être tout à fait propices à la vie. Et c'est ce que nous dit, mais ils sont extrêmement mal connus, les quelques sites que l'on a en main. Les trois sites que l'on a en main sont une sorte de signal d'alerte qui nous dit, attention, nous avons là des sociétés, des populations qui nous sont absolument méconnues, qui sont absolument adaptées à ces espaces tout à fait nordiques et qui ont développé des cultures tout à fait originales. Sur le gisement d'Yana, dans le far est sibérien, on a une exubérance de travail des matières animales, de l'ivoire en particulier, dans lequel il n'y a pas d'arbres, il fait extrêmement froid, et on va récupérer les défenses des mammouths femelles, car ces grandes défenses-là sont rectilignes, et beaucoup plus rectilignes que les défenses des mâles. Et utilisant ces grandes éléments d'ivoire, les populations vont réaliser leurs javelines nécessaires à la chasse. Alors que sur le gisement de Bisovaya, là en Europe, sur le cercle polaire, c'est aussi des chasseurs de mammouths, mais il ne va pas du tout y avoir une recherche systématique des femelles, et il va y avoir un grand nombre de mâles et qui ont des défenses beaucoup plus courbes. Et de fait, les défenses, rien ne nous indique que cet ivoire-là avait été recherché. Et là, les mammouths vont être chassés, exploités pour leur viande. Alors que la viande semble essentiellement abandonnée sur le gisement de Yana, hormis peut-être pour la langue et la recherche des ivoires. Ludovic Slimak, le site est daté de 28 000 ans. Or, on sait que Néandertal disparaît vers, allez, disons-le, 42 000 ans. Il y aurait donc un problème de chronologie ? Alors, on sait qu'il n'y a pas de problème de chronologie, on sait aussi qu'il n'y a pas de problème d'attribution, c'est sans aucun doute du moustérien, mais en revanche, on n'a jamais eu la démonstration que cet ultime moustérien, que le dernier moustérien, c'est la culture de l'homme de Néandertal en Europe, mais cette culture-là a aussi été partagée par Homo sapiens dans des latitudes plus méridional, par exemple sur le Levant. Mais sur le Levant, ce qui est tout à fait notable, c'est que au moins dès le 50e millénaire, même avant, ces industries-là, ces traditions du moustérien sont totalement abandonnées. Elles vont persister avec Néandertal jusqu'aux alentours du 40e millénaire, et puis après plus rien. Et puis à 28 000, soudainement, on retrouve ces éléments-là. Et il faut suspecter qu'effectivement, puisqu'on a des peuplements au moins dès le 48e millénaire, que ces traditions néandertaliennes, qu'elles aient été portées par Homo sapiens ou par Néandertal, aient perduré dans les espaces aux marges du monde, loin dans les zones périphériques, loin des zones de circulation, loin des grandes zones d'échange entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique, loin de la Méditerranée, des populations du Grand Nord auraient fossilisé leur vieille manière d'être au monde. S'agit-il de Néandertal ? Le livre Néandertal nu ne se résume jamais à la simplicité. Et tout le temps, ce que j'amène le lecteur, et c'est un vrai récit de voyage, hein. J'ai pas voulu endormir les gens, et je crois que vraiment je les prends par la main et je les emporte dans une vraie aventure qui sont ces recherches-là. Et ce livre-là ne tombe jamais dans la facilité. À aucun moment, je vais dire voilà ce qu'est Néandertal et voilà ce qu'il n'est pas, mais j'ouvre des boîtes de Pandore dans lesquelles je nous interroge et j'interroge cette fameuse créature. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Néandertal ne se vit pas par procuration. Ce que vous faites, donc, Ludovic Slimak, c'est une traque. Celle-ci continue donc dans la vallée du Rhône, le Drôme, dans une grotte cette fois-ci. C'est une grotte qui s'appelle la grotte Mandrin en Rome, où j'ai resserré ces dernières années une grande partie de mes efforts de recherche. Cette grotte-là est fascinante. Et effectivement, on ne peut pas vivre Néandertal par procuration et il ne s'étudie même pas dans les tiroirs d'un musée. Il faut vraiment se confronter à ces espaces de vie. Je veux dire, étudier Néandertal en travaillant sur des données bibliographiques ou en faisant des statistiques ou même en étudiant des collections dans des tiroirs de musées, c'est comme faire de l'ethnographie en prenant des textes de voyageurs et des photos de populations du 19e siècle en noir et blanc. Ça peut marcher, mais ça marche pas très bien. Et donc, il faut se confronter au lieu. Et ce lieu-là, de la grotte Mandrin, il faut y vivre. Moi, j'ai passé 30 ans, 3, 4 mois par an dans ces espaces de vie néandertalien. Et comme ça, noyé dans ces espaces-là, il y a une infinité d'informations qui vous noient en permanence au quotidien et qui, au niveau inconscient, vous permettent de faire des corrélations, des conjonctions entre des informations qui seraient beaucoup plus difficiles à réaliser à partir de données informatiques, par exemple. Qu'est-ce que nous apprend la grotte Mandrin sur Néandertal ? Alors, on a un enregistrement tout à fait exceptionnel. C'est une bulle dans le rocher, exposée plein nord face au Mistral, un vent extrêmement fort, redoutable, qui dépose des limons et le sable dans la cavité. Et il a déposé comme ça pendant 80 millénaires. On a une sorte de bouche ouverte qui s'est remplie de sable, mais qui s'est pas remplie que de sable, qui a aussi fossilisé au fur et à mesure de leur passage l'intégralité des vestiges abandonnés par les chasseurs-cueilleurs néandertaliens. Les plus anciennes occupations datent du 120e millénaire. On est à cette époque-là dans une période chaude, tempérée, beaucoup plus chaude que l'actuelle. Et on va remonter comme ça jusqu'à l'extinction, il y a 42 000 ans. Et on va avoir, dans les 15 derniers millénaires, les enregistrements peut-être qui comptent parmi les plus complets d'Asie sur la question des dernières populations néandertaliennes et des tout premiers homo sapiens sur le continent européen. Est-ce qu'ils y ont eu des pratiques, des activités quelque peu étonnantes ? Alors, des activités étonnantes, on enregistre vraiment tout. C'est-à-dire que le site est extraordinaire par la qualité de préservation et d'enregistrement. Et donc, j'allais dire, tout est étonnant. Quand on est dans l'univers néandertalien et qu'on se trouve confronté face à un silex, on voit à chaque fois un objet tout à fait unique qui est une création. Je veux dire par là que quand vous vous trouvez face à des industries, c'est-à-dire des artisanats réalisés par Homo sapiens, Ils sont extrêmement beaux, mais ils sont extrêmement lassants. Et ça, quelles que soient les cultures, que ce soit en Afrique il y a 100 000 ans, ou en Turquie il y a 80 000 ans, ou ici dans la vallée du Rhône il y a 42 000 ans, quand on est face aux industries des chasseurs-cueilleurs homo sapiens, c'est beau, c'est pas beau, comme les grottes ornées sont belles, mais qu'est-ce que c'est lassant. Quand vous avez vu les 100 premiers silex, vous savez que les 10 000 derrière vont être les mêmes, alors que quand vous êtes face à un outil néandertalien, l'exceptionnel est là. C'est-à-dire que chaque objet montre une créativité qui est absolument bouleversante et qui nous renvoie aux capacités et aux certainement aux éthologies de ces populations. Comment est-ce que ces populations comprenaient le monde et comment ont-elles pu, pour chaque objet, créer quelque chose de tout à fait original ? Alors, près du Mont Ventoux, vous auriez trouvé quand même une curiosité, une sorte de chasse spécialisée, très ciblée autour de chasseurs de cerfs qui ne chasseraient que des cerfs mâles, c'est bien ça ? Oui, c'est une interrogation extrêmement importante que nous avons sur cette cavité. Ce gisement s'appelle le Grand Abréopus. On est dans les gorges de Louvèze, sur les flancs du géant de Provence, le Mont Ventoux. Et là, on vient de parler de cette période très tempérée qu'on appelle l'Éémien, qui commence il y a 100 à 125 000 ans et qui va connaître un optimum très très chaud durant une quinzaine de millénaires. Quand je dis très chaud, les températures des océans sont à peu près 2 degrés de plus que les températures actuelles. C'est-à-dire que localement, c'est beaucoup, beaucoup plus chaud. Ça peut être plus de 10 degrés de plus localement. Et dans ces environnements très tempérés, dans cette cavité-là, on a des remplissages sur une douzaine de mètres d'épaisseur. C'est une très très grande séquence archéologique. Et l'une de ces séquences a été étudiée par Sandrine Béraud de l'université de Bordeaux et étudiée les vestiges osseux qu'on y retrouvait. Et elle s'est intéressée en particulier à l'exploitation des vidée et elle a pu mettre en évidence que dans une de ces phases d'occupation, qui est aux alentours du centième millénaire, les Néandertaliens avaient très certainement focalisé, je dis toujours très certainement parce que c'est toujours que des fenêtres bien sûr et que le doute doit toujours être parmi dans notre esprit, mais ce qu'on voit c'est l'exploitation des cerfs mâles, pas de femelles, pas de biches, pas de jeunes, pas de vieux. Que des cerfs dans la force de l'âge. Et ça, c'est quelque chose de très étonnant. On n'est pas dans des courbes de mortalité normales. On devrait avoir des jeunes, on devrait avoir des individus âgés. Et même si, effectivement, il existe des grands cerfs mâles solitaires, généralement, ils vivent dans des hardes dans lesquelles on va trouver des femelles. Et on a du mal à comprendre, sauf à ce qu'il y ait vraiment un choix de ces populations, pourquoi est-ce qu'ils auraient focalisé sur ce qui est le plus dur à chasser, hein. Les grands mâles dans la force de l'âge, c'est ce qui est le plus compliqué, mais qui est aussi connu dans les populations si on se réfère à quel est notre rapport dans les phases récentes de l'histoire de l'Europe, quel est le rapport au cerf, et le cerf et la chasse aux grands mâles, la confrontation au corps à corps des mâles sont des chasses traditionnelles qui ont souvent une relation avec le passage, les rites de passage à l'âge adulte. Et alors, la question qui se pose, on va jamais dire qu'il s'agit d'un rite, mais on va poser la question. Est-ce que nous ne serions pas face à un rite du centième millénaire ? Pas évident à prouver ? Rien n'est jamais prouvable chez Néandertal. Globalement, si vous voulez prouver quelque chose, vous allez devoir faire aligner des silex, faire des statistiques et faire des quantifications. Mais si on se posait là-dessus, sur la simple quantification statistique et les éléments qui sont en réalité les plus basiques, les approches techniciennes, si on se limitait à cela, par exemple, il ne resterait rien de Lévi-Strauss. La pensée, je pense qu'il faut, en s'étant baigné dans ces données pendant des décennies, après il faut convoquer, même invoquer le verbe et la connaissance et la culture, comparer tout en étant extrêmement prudent en questionnant sur ce qu'il se passe chez l'homme d'une manière générale et essayer de voir si ce que l'on connaît dans l'intégralité des populations aujourd'hui existantes chez Homo sapiens a pu exister ou pas et pourquoi chez Néandertal. Donc le doute, toujours le doute, mais le doute c'est l'univers de Néandertal. Justement, essayons de plonger dans la pensée de Néandertal. Sans être nous, il aurait eu ses propres manières d'être homme pour vous ? Oui. C'est très probable. Et ça, c'est quand on parlait de quantification, là, on est dans l'inquantifiable. Par contre, quand on se met face à des artisanats réalisés par Homo sapiens, je relevais tout à l'heure, et c'est vraiment un des points centraux du Néandertal nu de ce livre-là. Moi, je pense que ce livre, j'ai vraiment posé une pensée qui est une synthèse de 30 années de confrontation de chasseurs de Néandertaliens. Et quand on... Voilà, des choses subtiles et qu'on peut partager avec tout un chacun pour que tout un chacun puisse comprendre la complexité de tout ça. Quand on est face à ces industries d'Homo sapiens, c'est qu'on comprend immédiatement les logiques. On dit, en tant que tailleur expérimentateur, très rapidement, je comprends en regardant les silex, en les lisant comme on lit un livre, On comprend où l'artisan veut aller, ce qu'il fait, quels sont ses objectifs et comment est-ce qu'il organise sa manière de tailler le silex. Et quand on est face à ces industries néandertaliennes, on est dans la partie d'échec permanente. Chaque objet nous confronte avec un univers mental qui nous dépasse totalement, qui nous interroge, et on va se dire, mais où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il a voulu faire encore? Et quand on étale sur la table, on va comprendre au bout d'un moment, à force de regarder ces objets, que chaque objet est une création et qu'on va trouver là-dedans une dialectique, un jeu avec les matières, un jeu avec les couleurs, un jeu avec les textures. Et que la créativité, on a voulu chercher la créativité chez Néandertal dans des parures ou dans son art pariétal. Et ça, je pense qu'il faut vraiment interroger la question de cet art et peut-être qu'il faut totalement le déconstruire. Mais quand on regarde ces artisanats, on voit que la créativité était là et que peut-être que cette créativité qui était là dans la permanence, dans son quotidien, dans chacun de ses gestes et d'air, peut-être que cette réalité-là fait que le débordement créatif était dans chacun de ses gestes et pas dans des éléments un petit peu exceptionnels qu'on retrouverait dans l'art ou dans la parure. Ludovic Simac, on a tout fait de Néandertal, on en a fait un humaniste, un bon sauvage rousseauiste, on en a fait aussi une sorte de bête bestiale. Est-ce qu'il ne faut pas surtout interroger notre propre regard là-dessus? Il est urgent d'interroger notre regard, parce que ça fait des décennies qu'on nous parle de réhabilitation et que, globalement, je pense que depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a une sorte de tabou de hiérarchisation des humanités. Bien sûr, on comprend où est-ce que les délires de l'anthropologie nous ont menés dans l'extermination des populations, dans la hiérarchisation des populations, et ce traumatisme primordial nous interdit aujourd'hui de comprendre les humanités qui seraient différentes. Et quand on habille Néandertal en costard-cravate, qu'on le grime en nous-mêmes pour expliquer qu'il était comme nous, on reproduit exactement les erreurs qu'on a produites tout au long du 18e et du 19e siècle jusqu'à la première moitié du 20e siècle, dans lequel on prenait les populations de tous les continents, on leur interdisait de parler leur langue, on prenait leurs enfants, on les habillait en costard-cravate ou en jolie robe de soirée, on leur coupait les cheveux et on leur disait « Regardez, ce sont des humains ». Et c'est certainement la leçon est là. On n'élèvera jamais Néandertal à nous en faisant un autre nous-mêmes, et il faut maintenant se confronter à la créature et le prendre pour ce qu'il est, se confronter à Néandertal nu. Faut-il redéfinir les frontières de l'humanité? Sans aucun doute. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la définition de l'humain s'est faite sur le vivant. Mais qu'en faisant un saut dans le temps, un saut en arrière, on sait que les humanités, il y a Néandertal et il y a tous les autres, on sait que les humanités ont été extrêmement nombreuses, extrêmement plurielles, et que dans cette très grande diversité d'humanité, notre définition, nos projections ne collent pas, et il faut tout déconstruire, tout réécrire et toujours s'interroger en gardant le doute. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec Néandertal nu. Ludovic Simac, merci beaucoup. Je rappelle que vient de paraître donc Néandertal nu aux éditions Odile Jacob. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Philippe Thibault et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.